de Val de Nez. 1000. La vie m'a défié depuis ma naissance. Je dois me battre et quoi que je fasse, je dois me battre. Il vient à 4 fois 44. Je sors le 4-4 et l'ennemi se barre en 4-4. Coupe pas tes coups, ça bat comme dans une guerre. C'est un vrai massacre. Tu veux savoir ce qui fait que notre époque est tragique? La force et la faiblesse, un gros problème lié au nihilisme. Les faibles sont brisés, les forts détruisent ce qui a échappé à la ruine. Je m'arme pour éviter de lâcher des larmes et des. Que je pousse la porte de chez moi, c'est pour le bordel. Mes objectifs, la maille pour tous les moyens nécessaires. Ceux ou celles qui tentent d'entraver mon chemin seront kickés comme des mouches à mer, car je suis plus un gamin. J'ai tellement cette rage dans les mots, cette arme dans le verbe, que ma colère s'accroît et cible tous ceux qui dans le discours se perdent. Et belle, j'ai l'homme qui dure, mais que la gloire oublie. Juste un homme qui dans l'histoire écrit, qui n'a jamais trahi. Tu sais que je tourne pas, je m'attraque pour pas finir à 4 pas de 4. Ma porte frappe Hiroshima provenant du 9-4. Chose promis, chose due, avant y'avait, maintenant y'a plus de BAL, de nègre, mission suicide. Moi je ne sais pas, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nègre à game shot, fire on en micro. Quoi qu'il se passe, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nègre à game shot, fire on en micro. Et ben rap conscient, les mots qui tranchent, faut que tu le conçois. J'ai plus le temps et à ce qu'on dit, y'a trop de putain à ce plat. 2000 j'vexe, l'album blesse, le test même pas, sinon sur le doctorat MS. Antisocial, je viens pour faire ce qu'ils nous ont déjà fait. Je ne fais pas de guerre sans savoir dans quel but je la fais. Je défends ma zone, ma sub comme si elle m'appartenait. Encore plus que pour mon pays, tout pour ma famille et mes associés. Et ben discours brut, si t'as pas le truc, rap de bonhomme, prends la fuite. Si t'es une pute, haineux, parce que sans rage tu vas nulle part. 3 ans de retard, j'ai loupé le train, mais certi pas. So fuck you, à toutes ces fuck you. J'rap pour mes frères et pas pour fuck you. Ma zik tourne en boucle dans les blocs. J'ai la masse qui me supporte et des grosses couilles dans mon froc. Non, je ne blague pas, je parle pas, moi je craque pas. Tu testes? Moi je blague pas. Rap de barbare, on passe barbare. Deux balles de nec pour ton scénar qu'on exécute tous ces connards. Forcé d'évoluer dans les paix brouillards. Forcé de vraies questions, transcription objective. La dérive des sauvages au potentiel énorme. Ouais putain norme. Penses-tu qu'on se borne à toujours vouloir dépasser tes bornes? Quoi qu'il se passe, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nec à game shot, fire on en micro. Quoi qu'il se passe, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nec à game shot, fire on en micro. Pour nous, la connaissance de Dieu est la seule vérité. Donc ils nous rabâchent pas leurs lois, je suis pas tarté. Je bannis leurs articles, je me fie qu'à mon artillerie, baby. Faut qu'on se batte avant qu'on se fasse battre par ces ânes battés. Sur mon honneur, je te jure, je peux pas cacher ma rage. Je peux pas me taire, car le faire, c'est cautionner leur naufrage. J'ai mal de voir des frères qui tombent ici. Je te jure, j'ai mal de voir la guerre du Congo jusqu'en Algérie. Dans nos plaies, une simple pensée peut te coûter la vie. Comprends pourquoi je tolère pas l'absence de réaction ici. C'est un dollar contre une souffrance. Un manque de finances, et tu crois qu'on vit la merde en France? Mec, je suis personne, et je suis pas là pour te juger. Mais de voir une pierre, un spliff à la main, j'ai le cœur déchiré. Je dois me battre pour ça, sinon qu'il fera pour nous. Plutôt me battre jusqu'à la mort que vivre sur mes genoux. Des hostes et gigots, quand les armées se forment transpirantes. D'hommes qui ne laisseront plus leur famille soupirante. Ceux qui rêvent bien que la démonstration de Luther fasse le son. De Tibouille, bois et plus de coton. Hier encore des frères brûlés sur un ghetto, je veux dire sur des tests. Cloués aux poteaux de la misère, mais laisse. Le baril tourne, l'axe principal reste à jugulaire. À Manu pour le kiff et pour le traître au fil de fer. Putain de pays digne de tes congénères Vichy. Les larmes de nos parents n'ont pas fait pousser des plantes jolies. La mort nous fait pas peur et on ne peut pas pleurer. Et quand on perd un frère à terre, on verse de la rebelle. Faut que nos paroles sonnent comme les pas de la M.O.R.T. Venant chercher ces derniers putains d'enculés. J'ai gagné, joué la poule mouillée. On a trop souillé mais t'inquiète, nous ne sommes pas mouillés. Quoi qu'il se passe, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nègre à game shot, fire on en micro. Quoi qu'il se passe, je ferai pas ça, toute cette bande d'escrocs. Une balle qui se perd, c'est trop. Même si c'est pas Soweto, je garde la force et je me battrai. Quoi qu'il dise, je reste pro. Deux balles de nègre.